Yeah. All the babies. All the babies, all the girls. All my ladies. Allez, viens vite glisser dans mon lit. Il s'agit pas de se marier, mais de kiffer ensemble le temps d'une nuit. Dehors il fait froid et j'entends même le bruit de la pluie. Allez, viens te mettre à l'abri, baby. Gal, ton petit boule me fait comme un film d'Hitchcock. Waouh, quand tu bouges, je suis toujours sous le choc. N'aie pas peur de venir chez moi. T'inquiète pas, j'ai des capotes, je vais pas te mettre en cloque. Sous le matelas ou dans la cuisine, je te laisse le choix de la scène. Je serai Sherlock Holmes, c'est toi la victime. Et si t'as peur, viens avec une copine. On n'a qu'une seule vie. Gal, tu me donnes trop chaud. Allez, viens vite glisser dans mon lit. Il s'agit pas de se marier, mais de kiffer ensemble le temps d'une nuit. Dehors il fait froid et j'entends même le bruit de la pluie. Allez, viens te mettre à l'abri, baby. C'est toi que je veux voir dans le prochain Spielberg. T'es tellement chaude que tu fais fondre les icebergs. Du réchauffement climatique, tu causes des troubles assez systématiques. Même les papis, mon général de Gaulle, sont repartis pour un tour de la Gaule. Ton corps vaut plus que des millions de dollars. Tu es plus bad que de l'or, on n'a qu'une seule vie. Gal, tu me donnes trop chaud. Allez, viens vite glisser dans mon lit. Il s'agit pas de se marier, mais de kiffer ensemble le temps d'une nuit. Dehors il fait froid et j'entends même le bruit de la pluie. Allez, viens te mettre à l'abri, baby, vraiment tu me rends dingue. Ne perdons plus de temps, c'est bientôt tentant. Allez, viens me rejoindre. Je n'ai qu'une seule bouche, mais pour toi, baby, je deviendrai bilingue. Comment te le dire? Approche-toi que je déboutonne tes fringues. On n'a qu'une seule vie. Gal, tu me donnes trop chaud. Allez, viens vite glisser dans mon se marier, mais de kiffer ensemble le temps d'une nuit. Dehors il fait froid et j'entends même le bruit de la pluie. Allez, viens te mettre à l'abri, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. All the ladies, all the girls, je vous adore et vous aime trop. Yes. On n'a qu'une seule vie. Gal, tu me donnes trop chaud. Allez, viens vite glisser dans mon lit. Il s'agit pas de se marier, mais de kiffer ensemble le temps d'une nuit. Dehors il fait froid et j'entends même le bruit de la pluie. Allez, viens te mettre à l'abri, baby. Gal, ton petit boule me fait comme un film d'Hitchcock. Waouh, quand tu bouges, je suis toujours sous le choc. N'aie pas peur de venir chez moi. T'inquiète pas, je décapote, je vais pas te mettre en cloque. Sous le matelas ou dans la cuisine, je te laisse le choix de la scène du crime. Je serai Sherlock Holmes, c'est toi la victime. Et si t'as peur, viens avec une copine. On a